Chapitre 33e. La bonne piqûre. Robert et le marquis demeurèrent encore à Orléans pour voir une seconde fois le malade. Le marquis, sur sa demande, donna à Robert une chambre dans cette maison où il serait plus près du capitaine. Robert en demanda encore une pour le capitaine de Rennebois, qui, il n'en doutait pas, devait accourir au reçu de son télégramme alarmant. En effet, quand les jeunes filles rentrèrent au château, elles y trouvèrent le capitaine de Rennebois qui descendait de voiture. Il n'avait pas perdu de temps. Demander à ses chefs la permission de s'absenter, se jeter dans le train et arriver, tout cela il l'avait fait aussi vite qu'il était matériellement possible de l'accomplir. Raymonde, à qui son frère n'avait rien dit, fut, on le pense grandement et joyeusement étonné de voir son fiancé. Mais à son tour, Robert, qui gardait ainsi des secrets, devait éprouver un étonnement tout aussi grand quand il arriva plus tard en compagnie du marquis. Avec le capitaine de Rennebois, venait d'arriver au château le comte de Marnay, que personne, certes, n'attendait. Le comte de Marnay, après avoir présenté ses hommages à sa cousine Alice et à Raymonde, alla saluer le marquis. « Comment, mon oncle ? » lui dit-il sur un ton d'affectueux reproche. « Vous êtes dans l'ennui encore une fois ? Ma chère cousine est toute en peine, et vous ne me faites rien savoir, vous ne me prévenez pas ?» Alice demanda vivement au comte de Marnay. « Comment as-tu appris que Jacques était malade ?»« J'ai ma police, » répondit le comte. « J'ai ma police qui me dit tout. »« Explique-toi. » »« Je l'ai lu tout bonnement dans un journal d'Orléans. C'est un hasard. Il a fallu que j'aie l'intuition, le pressentiment de la chose pour que mes yeux se soient portés sur le filet qui annonçait la maladie au capitaine de Casaumont. Et tu penses, ma chère Alice, que je ne pouvais te savoir de la peine sans accourir t'offrir mon concours, mes services. « Je te remercie, » dit seulement Alice. « Et j'ai eu la bonne fortune, » ajouta le comte de Marnay, « de rencontrer dans le train le capitaine de Rennebois. Nous avons fait route ensemble. » Robert se dit à lui-même avec terreur, « Pourvu que Rennebois n'ait pas montré à son compagnon mon télégramme. » Il lui tardait d'être fixé sur ce point. Pendant que le marquis donnait des détails à son neveu sur la maladie singulière de son futur gendre, Robert prit à part le capitaine et lui posa la question qui l'inquiétait. « Rassurez-vous, Robert, » lui répondit celui-ci. « Je me suis bien gardé de montrer ou de dire quoi que ce soit au comte de Marnay. Ah, tant mieux. Il est le neveu du marquis, le cousin d'Alice de Briailles, qui sont, eux, des gens de toute loyauté. Mais je sais trop que le comte de Marnay est le témoin des duels, l'ami du comte de la Guérinière. Ça me suffit. » Robert serra la main du capitaine. Les deux jeunes gens ne s'étendirent plus sur ce sujet. Ils s'étaient compris. Après déjeuner, le comte de Marnay, qui d'ailleurs, pendant tout le temps, avait fait à peu près seul les frais de la conversation, dit encore au marquis « Oui, mon cher oncle, j'aurais été d'autant plus désolé de ne pas savoir que le capitaine de Casaumont est malade, de ne pas me trouver là, quand il est souffrant, qu'il a été en dernier lieu mon hôte à Paris. » Robert et Rennebois tressaillirent malgré eux en entendant ces mots. Le marquis demanda à son neveu « Comment le capitaine a-t-il pu être ton hôte ?»« Lorsque vous êtes venu à Paris, mon oncle, avec ma chère cousine, pour assister à la douloureuse cérémonie des obsèques du regretté Montreuil, le capitaine de Casaumont vous accompagnait, en effet. Pour lui éviter l'ennui de descendre à l'hôtel, je lui ai offert la chambre d'amis de mon appartement de garçon. Il m'a fait cette amitié d'accepter. « Ah, c'est juste, » fit le marquis, « je me souviens. » Et le pauvre homme, confiant, ajouta naïvement, « Dans ce cas, c'est très heureux. Tu vas pouvoir nous donner quelques renseignements sur son séjour à Paris. » Tu pourras peut-être nous dire s'il n'a pas commis une imprudence, mangé quelque chose de mauvais, bu je ne sais quoi qui lui était contraire. « Je ne crois pas, mon cher oncle, » répondit le comte de Marnay. « Le capitaine a pris tous ses repas au cercle avec moi, mes amis, le baron Dujard, le baron Vancambre, le baron Dupont. »« C'est beaucoup de barons, » fit remarquer le capitaine de Rennebois. « Oui, » répliqua de Marnay en souriant, « mais tous de bonne et authentique noblesse. Il y avait aussi le financier Guttlard. » « Comment, il n'est pas baron ? Il va se faire remarquer. Aujourd'hui, le titre de baron est comme les palmes académiques de la noblesse, tout le monde l'a. » Puis il ajouta, « Je vous demande pardon pour cette petite digression. Donc Jacques a pris ses repas avec vous et vos amis. Oui, la cuisine du cercle est renommée. D'ailleurs personne, ni mes amis ni moi, vous le voyez, n'avons ressenti le moindre malaise. Mais, dit le marquis, dans la soirée peut-être, au café par exemple, le capitaine a passé la soirée avec nous. Sa chère fiancée, ma charmante cousine, se trouvait avec son père auprès de leurs amis affligés. Lui, Le capitaine, mon Dieu, ici j'en fais acte de contrition, je l'ai débauché. Oh, pas gravement. Je l'ai emmené avec nos amis applaudir la revue, à Paris, y en a. Qui fait courir tout Paris et frémir la province, applaudir la divette Lucette Minois. Le marquis s'écria, surpris. Mais voyons, est-ce que cette Lucette Minois... Oh, je vous demande pardon, Raymonde, et à toi aussi, Alice, de parler de cela devant vous, mes enfants. Voyons, est-ce que cette Lucette Minois n'est pas la maîtresse du fameux comte de la Guérinière ? Je n'ai pas à le nier, mon bon oncle. Dans ce cas, mon ami, tu as commis une lourde faute de tact. Quand sa fiancée est chez Madame Montreuil, on ne conduit pas le capitaine à applaudir la maîtresse du comte de la Guérinière. Le comte de la Guérinière sur qui pesa un moment une terrible accusation. Le comte de Marnay répondit, dont il fut d'ailleurs hautement débarrassé par le banquier lui-même. Je tiens le comte de la Guérinière, qui est mon meilleur ami, pour le plus honnête et le plus charmant des hommes. Il a été victime, dans cette douloureuse affaire, d'un concours fâcheux de circonstances, et c'est tout. Au demeurant, je m'excuse de rappeler cela, mais il le fallait presque en parlant du capitaine. Ce fut le capitaine de Rennebois qui prit la parole. Est-ce que Casaumont, au cours de cette soirée, se rencontra avec votre ami le comte de la Guérinière ? Nullement. Et je dois avouer franchement que le capitaine me fit apercevoir de la faute de tact, comme vous dites, mon cher oncle, que j'avais commise en l'emmenant au Lutetia. Le comte de la Guérinière ne se trouvait pas avec nous. Mais quand le capitaine entendit un de nos amis dire qu'on allait le voir incessamment apparaître, quand le capitaine, qui l'ignorait, sut que Lucette Minois était la maîtresse du comte de la Guérinière, le capitaine alors quitta la loge et, prétextant la fatigue, l'heure du départ du lendemain matin, il sortira. « Bravo !» s'écria Rennebois. « Je reconnais bien mon brave Casaumont. » Et il ajouta. « Car soit dit sans vous offenser, comte, je partage l'opinion de mon ami Jacques. Le comte de la Guérinière a été déclaré innocent par le malheureux père de ma chère Raymonde, soit. Mais il est bien fâcheux pour lui que Paris accusation ait pu l'atteindre, et désastreux aussi que Paris ait pu croire un moment que l'accusation était fondée. » Puis, brusquement, il dit « D'ailleurs, assez parlé de ce monsieur. Revenons à notre bon et loyal Casaumont. Il me tarde de le voir. N'est-ce pas l'heure, docteur, où vous deviez lui rendre visite ?»« Si, » répondit Robert. « Vous venez avec nous ?»« Parfaitement. » Pendant le brouhaha des préparatifs du départ, Raymonde put se trouver un moment seul avec son frère. « Robert, » lui dit-elle vivement, « nous sommes seuls. Personne ne peut nous entendre. Voyons, de toi à moi, dis-moi la vérité. »« Quelle vérité, Raymonde ?» Le fiancé d'Alice est pris par le même mal mystérieux qui fit ici, dans cette maison, trois bides si douloureux. Robert regarda sa sœur avec étonnement. Raymonde poursuivit. « Quand la sœur d'Alice est morte, j'étais ici avec toi. » Je me souviens que tu as voulu faire l'autopsie du petit cadavre, et que, puisqu'on te refusait cette profanation, tu as emporté des linges pour les analyser, étudier plus à ton aise le mal dont était morte la pauvre enfant. Oui, Raymonde. Eh bien, c'est encore cette épouvantable maladie que tu n'osais nommer qui frappe le capitaine ? Robert n'osa mentir. Je ne puis dire encore, Raymonde. Je dois voir une autre fois le malade. D'ailleurs, je n'ai pas terminé à Paris mes études des documents que j'ai recueillis ici. À ce moment, Alice apparut, et Robert ne put en dire plus long à Raymonde. Peu après, une automobile emportait le marquis, sa fille, Raymonde et son fiancé. Dans une seconde se trouvaient le docteur Robert et le comte de Marnay. Les jeunes filles allèrent, comme la première fois, attendre à la maison le retour des hommes qui, eux, se rendirent auprès du malade. Il y avait constamment, auprès du capitaine, un aide-major que secondait un infirmier. Le cas du malade était tel que, pour étude, les médecins civils et militaires qui lui donnaient leurs soins voulaient suivre, sans s'absenter une minute, les évolutions de ce singulier mal, en constater les manifestations afin d'en faire le sujet d'un rapport à l'Académie de médecine. Un peu de mieux se faisait toutefois sentir, ou du moins, quand ses amis arrivèrent, le capitaine se trouvait dans un moment d'accalmie. Il reconnut tout le monde et fut extrêmement sensible à la présence du docteur Robert et de son compagnon d'armes, Rennebois. Puis il demanda des nouvelles de sa fiancée. Le docteur Robert prit sur lui de lui promettre sa visite pour le lendemain. « En somme, » demanda-t-il au docteur, « qu'est-ce que j'ai ? Quelle satanée maladie ?»« Fièvre, » répondit Robert, « tout bonnement, avec rechute de fièvre typhoïde. »« Alors vous allez me tirer de là ? Parbleu, merci. » Le comte de Marnay, de son côté, se montra très affable et témoigna de la plus grande sympathie envers celui qu'il appelait déjà son cousin. On demeura aussi longtemps que possible avec le malade, puis on revint à la maison donner aux jeunes filles de bonnes nouvelles de son état. Le marquis de Briailles, Raymond et Alice regagnèrent le château. Robert et Rennebois demeurèrent à Orléans. Le comte de Marnay voulut leur tenir compagnie. Dans le courant de la soirée, Robert s'arrangea pour avoir avec le capitaine un entretien dans sa chambre pendant que le comte de Marnay allait, prétendait-il, fumer un cigare et boire un dernier grog avant de se coucher. Après s'être bien assuré que personne ne pouvait l'entendre, le docteur Robert dit au capitaine « Mon cher Fabien, je vous ai prié de venir ici parce qu'il se passe des événements graves et que j'ai besoin de votre concours. Je suis tout à votre disposition. Je le sais. En deux mots, voici. Votre ami Casaumont est perdu. Perdu ? S'écria Rennebois. Oui, perdu, si nous n'y apportons un rapide et prompt remède. Mais qu'est-ce qu'il a ? La fièvre, c'est entendu, mais il est atteint d'un empoisonnement du sang. Empoisonnement ? Je vous expliquerai tout cela plus tard. Pour le moment, les détails importent peu. Ce qu'il faut, c'est d'abord le sauver. Bien entendu, mais que faire ? Écoutez-moi bien. J'ai pu, en faisant forcer la dose de quinine, combattre la fièvre, arrêter les effets du mal. Mais ce n'est que provisoire. Demain, il y aura recrudescence, redoublement de violence du mal, et le soir, vous m'entendez bien, le soir il y aura mort. Oh ! Mort épouvantable. Mais c'est désolant. Il faut sauver notre brave ami. Vous, docteur, vous le pouvez. Oui, déclara fermement Robert. Oui, il reprit. En prévision de ce que je m'attendais à constater chez le malade, j'apportais le remède. « Bien. Ce remède est ici, dans ma poche. Pourquoi ne l'avez-vous pas déjà appliqué ? Attendez. Ce remède va sûrement sauver le malade, mais moi, je ne puis l'appliquer. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'on sache que je l'ai employé. C'est un secret ? Nullement. Alors ? Je ne veux pas l'employer devant mes confrères militaires ou civils parce qu'ils en parleraient. Et qu'il ne faut pas, entendez bien, il ne faut pas que des gens que je n'ai pas à nommer ici, apprennent que le capitaine va être sauvé. Rennebois et Robert se regardèrent silencieusement. Comme précédemment, ils s'étaient encore compris sans dire plus de mots. Robert reprit. « Donc, j'ai compté sur vous pour appliquer à ma place le remède. On ne vous surveillera pas comme on fait pour moi. Vous pourrez agir sans qu'on vous pose des questions, sans que votre acte donne l'alarme. Compris, dites-moi ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. » Voici. Dans cet étui, il y a une seringue de Prabat tout amorcée, remplie de sérum. Vous n'aurez qu'à défaire ce bouton de sûreté et le piston agira. Alors, vous piquerez assez fortement la cuisse du malade, vous introduirez la pointe et presserez le piston de façon à faire pénétrer sous la peau, dans un muscle, bien profondément, le plus possible du contenu de la seringue. Et ce sera tout. Bon, c'est facile. Oui. Mais il faudra faire cela quand vous serez seul dans la chambre, quand personne ne vous verra, c'est essentiel. Entendu. Si vous pouviez maintenant aller faire la piqûre, ce serait parfait. Le capitaine doit dormir ou être accablé. Je lui fais prendre une potion contenant de l'opium. Il ne bougera pas. Il ne sentira même pas la piqûre. Allez. Robert ouvrit le petit étui en cuir noir. Il montra à son futur beau-frère comment il devait manier la petite seringue à la pointe acérée. Puis, il l'envoya auprès de son ami. Le capitaine avait compris. Peu après, il se trouvait dans la chambre de Casaumont. Un infirmier le veillait, qui ne quittait pas des yeux le malade. Il avait la consigne de prévenir au moindre mouvement inquiétant le major qui reposait dans une pièce voisine. Le capitaine s'approcha du lit pour regarder Jacques. « Comme il dort bien, » fit-il. « Oui, » répondit l'infirmier qui se tenait près de lui. « C'est l'effet de la potion. Quand il se réveille et qu'il demande à boire, « je dois lui donner un verre d'eau avec une cuillerée de potion dedans, ça le fait dormir. »« Parfait. » Rennebois cherchait le moyen d'écarter ce témoin gênant pour pouvoir faire la piqûre. Il avisa le verre d'eau que lui avait désigné l'infirmier, et tout en ayant l'air de se retourner pour s'en aller, il donna un coup de coude à ce verre d'eau qui se trouvait sur la table de nuit. « Ah, maladroit que je suis !» s'écria le capitaine. « Ce n'est rien, mon capitaine, » dit l'infirmier. « Le mal peut être réparé. Je n'ai qu'à aller à la cuisine chercher un autre verre. « Bon, allez, je garde le malade pendant ce temps. » L'infirmier sortit. Rapidement, le capitaine tira l'étui de sa poche, il prit la seringue de Prava, défit le petit bouton d'arrêt. Il souleva les couvertures du malade et dans la cuisse qui apparut, il planta carrément, hardiment, militairement, la pointe de l'instrument, pressa fortement sur le piston, qui alla à fond de course. Le malade eut seulement un léger soubresaut. « Bon, » fit le capitaine, rengainant la seringue de Brabat. « Il a tout pris, c'est parfait. » Quand 3 minutes après, l'infirmier reparaissait, il lui était impossible de soupçonner quoi que ce fût. « Mon cher, » dit Robert, quand peu après le capitaine lui rendait compte de sa mission, « le capitaine de Casaumont vous devra la vie. » En effet, le lendemain, le mieux se dessinait. 2 jours après, les médecins, les majors pouvaient déclarer que leur malade était à peu près hors de danger. « C'est bien, » dit alors Robert au capitaine de Rennebois, « c'est parfait. Mais maintenant, c'est sur Alice de Briailles qu'il faudra incessamment veiller. »